Vous ressentez le besoin d'apprendre une nouvelle langue. Peut-être étiez-vous freiné jusqu'à présent dans votre désir parce que vous pensiez ne pas avoir le temps ou que c'était trop difficile. Mais avec Berlitz, numéro un mondial de l'enseignement des langues, c'est possible. La nouvelle méthode, Ja, ich kann's, est une méthode d'auto-apprentissage qui vous donne la possibilité d'apprendre une langue étrangère chez vous, à votre propre rythme. La célèbre pédagogie de Berlitz vous incitera à parler directement allemand et vous permettra d'acquérir facilement les connaissances dont vous avez besoin pour vraiment pratiquer. Vous entendrez des mots et des expressions prononcées en allemand. Vous leur associerez directement leur signification. Vous commencerez par écouter quelques mots et expressions simples utilisés dans un contexte vivant. À mesure que vous les assimilerez, ces premiers mots serviront de base à l'apprentissage de nouveaux mots et de nouvelles expressions. La méthode repose sur le principe de l'apprentissage progressif. Des étapes de difficulté croissante sont étudiées les unes après les autres. À chaque étape, vous renforcerez les connaissances acquises sans jamais devoir absorber plus de connaissances qu'il n'est possible. Tout au long des leçons, vous serez invité à participer. Ainsi, nous vous donnerons non seulement l'instruction « Hören Sie », ce qui signifie « écouter », mais aussi « Antworten Sie », ce qui signifie « répondez », ou encore « Wiederholen Sie », ce qui signifie « répéter ». En répétant dès les premières leçons ce que vous entendez, vous parlez déjà allemand. Grâce aux enregistrements, vous vous familiariserez très vite avec votre nouvelle langue. Vous assimilerez les tournures et les formes grammaticales que vous entendez utiliser dans leur contexte. Vous serez surpris de constater combien l'on peut progresser grâce à cette méthode très simple et avec quelle rapidité il est possible de retenir des phrases entières. Le manuel vous permettra d'approfondir vos connaissances grâce à des explications, des exercices, des rappels de vocabulaire et des points de grammaire. La méthode Berlitz, cependant, limite l'énoncé des règles de grammaire rébarbatives. Les explications grammaticales sont réduites au strict nécessaire et rédigées dans un langage clair et à la portée de tous. Autre point essentiel, l'usage du français est très restreint, afin que vous demeuriez le plus possible en contact avec l'allemand. La méthode Berlitz vous permettra de vous imprégner de votre nouvelle langue tout en douceur. Vous n'aurez jamais l'impression d'étudier au sens strict du terme. Nous espérons même que l'audition de « Ja, ich kann's » vous amusera. Le contenu des cassettes consiste en une succession de scènes que nous avons voulu aussi divertissantes que possible. Maintenant, le moment est venu de vous lancer dans votre cours. Arrêtez l'enregistrement à la fin de cette introduction et prenez votre manuel. Lisez-en l'introduction, mais n'allez pas plus loin. Écoutez ensuite la première leçon. À raison d'une heure de travail par jour pendant 3 mois, grâce à Ja, ich kann's, vous parlerez bientôt allemand. Dans ce programme, vous allez entendre les expressions allemandes suivantes. Hören Sie bitte. Wiederholen Sie bitte. Bitte nicht wiederholen. Et Frage. Ces expressions allemandes représentent des signaux de la manière suivante. Hören Sie bitte signifie écouter. Quand vous entendrez Hören Sie, ne répondez pas, mais écoutez seulement la suite. Wiederholen Sie bitte signifie répéter. Quand vous entendrez le mot bitte ou bien s'il y a une pause après une phrase, répétez toujours ce que vous venez d'entendre et répétez-le à haute voix. Frage signifie répondez. Vous devriez ainsi répondre à la question. Quand vous entendrez Frage ou bien si on pose une question, ne répétez pas la question, mais essayez de répondre en allemand avec les mots qui vous sont déjà familiers. Êtes-vous prêt à commencer, mesdames et messieurs? Et vous, chers élèves, êtes-vous prêts? Bien alors, commençons avec la scène numéro 1.